connaît le secret d'un trésor merveilleux. Les distances sont inconnues, on les dit infinies. La Terre est là. La Terre est proche. Nous volons à 1000 pieds. Paris à virer de bord. Cap Sud-Sud-Est. Aujourd'hui, c'est à la vie et au voyage d'un philosophe devenu l'un des plus importants ethnologues du XXe siècle que nous allons nous intéresser. Nous partons sur les traces de Claude Lévi-Strauss. À la fin des années 1930, il entreprend plusieurs expéditions au centre du Brésil pour aller à la rencontre de tribus indiennes. Ce n'est pas l'exotisme qu'il vient chercher auprès des Bororo ou des Nambiquara. Ce n'est pas non plus ce qui nous distingue de ces hommes et de ces femmes qui va l'intéresser, mais au contraire, ce qui nous rapproche, notre part d'humanité commune. Il va vivre avec eux des expériences qui le marqueront à jamais et qui vont nourrir ses réflexions et sa grande théorie, le structuralisme. Pour nous emmener sur les pas de ce savant écrivain qui a réinventé l'anthropologie, nous avons invité Emmanuelle Loyer, historienne, professeure à Sciences Po. Elle est l'auteur d'une biographie de Claude Lévi-Strauss aux éditions Flammarion, un ouvrage très complet récompensé par le prix Femina. Pour cette enquête biographique, elle a eu accès aux archives personnelles du chercheur et nous allons revenir avec elle sur les voyages qui ont marqué la vie et l'œuvre de cet ethnologue original. Lui-même, en son temps, avait attendu une quinzaine d'années avant d'accepter de raconter ses expéditions en Amérique du Sud, dans un livre devenu référence aujourd'hui, Triste Tropique, et dont la célèbre première phrase a surpris plus d'un lecteur: « Je hais les voyages et les explorateurs ». Claude Lévi-Strauss, avez-vous vraiment détesté les voyages autant que vous l'avez prétendu ? Vous savez bien qu'on ne peut pas répondre de façon simple. Quand j'ai écrit « Je hais les voyages », je voulais montrer que pour l'ethnologue, le voyage n'est pas un but, que c'est un moyen indispensable, et que ce qui compte, ça n'est pas du tout le côté touristique, si vous voulez, c'est ce que nous rapportons de connaissances et d'informations. Claude Lévi-Strauss répondant à Bernard Rapp en 1991. Bonjour Emmanuelle Loyer. Bonjour. Alors Claude Lévi-Strauss avait manifestement quand même le goût de l'ailleurs, hein, l'envie de découvrir ses cultures. Alors cette phrase restée célèbre, « Je hais les voyages et les explorateurs », c'est un pied de nez ou ça va plus loin que ça? Il faut y voir son rapport, sa conception du voyage. Je crois que c'est les deux à la fois, si vous voulez. C'est aussi une façon de débuter en grand fracas ce livre Triste Tropique qui est écrit, on l'a parfois remarqué, en style grand siècle. Il reste aujourd'hui un livre tout à fait étonnant et tout à fait pionnier. On a l'impression qu'il a été écrit hier. Je crois que Lévi-Strauss aimait quand même le voyage au sens où il a désiré quitter l'Europe. Et le choix de l'ethnologie, pour lui, c'était aussi accéder au monde réel. Donc, lorsqu'il part en 1935, pour son premier voyage, j'ai retrouvé dans les archives des traces, si vous voulez, de son extrême exaltation. Ouais. Donc, et d'ailleurs, même son bureau que vous décrivez dans votre livre, son bureau témoigne de son goût du voyage. C'est un véritable cabinet de curiosité, son bureau parisien. Oui, alors c'est vrai que j'ai souhaité commencer le livre ainsi, en décrivant son bureau qui est essentiellement une grande bibliothèque, mais on pourrait dire une bibliothèque en effet circonnavigatrice. Oui. Puisque le monde entier est représenté dans les rayonnages. Alors, à ma gauche, l'Afrique, à ma droite, l'Amérique du Nord, au milieu, l'Amérique du Sud. Ouais. Et surtout, la chose très amusante et très étonnante, c'est que les livres d'ethnologie sont classés, si vous voulez, cartographiquement. S'il y a un livre qui parle d'une tribu du centre de l'Afrique, elle va être au centre de la bibliothèque. Donc là, on voit bien son prisme géographique très avéré. Alors 12 000 ouvrages tout de même, et puis aussi le tableau d'une divinité népalaise, des sabres japonais, une racine sculptée venant de Chine, et des perroquets qui volent dans la pièce, tout à fait original. Oui, mais de toute façon je pense que Lévi-Strauss, s'il fallait le résumer d'un trait, en tout cas c'est ainsi que je l'ai saisi, que je l'ai vu, c'est quand même quelqu'un qui a une forme d'excentricité sous ses allures très sérieuses, de monsieur très savant, etc., sur le plan politique, sur le plan esthétique, sur le plan intellectuel, sur le plan personnel. C'est quelqu'un de très imprévisible et qui, très tôt, va presque théoriser et en tout cas pratiquer l'éloge du vivant, sans séparer les animaux et les humains. Ouais. Et non seulement il a trouvé ça dans les mythes amérindiens, mais en fait, lui adorait les animaux. Ouais. Alors, il s'intéresse très jeune à tout. Hein. Il a cette curiosité, mais pas forcément tout de suite l'idée de l'ethnologie. Déjà, il s'intéresse à la politique. Hein. Très jeune, il va s'intéresser à la politique. Ardent militant du socialisme, puis militant à la SFIO. Il aura même dans l'idée de se présenter. Finalement, ça va faire long feu, mais il aura cette envie de s'engager en politique. Oui, et ça contraste avec ses déclarations ultérieures et encore une fois, ça, la vision qu'on en a gardée de grand sage, un peu au-dessus de tout ça et prônant une sorte de désengagement. Ouais. Quand il était jeune, comme un anarchiste de droite dans la fin de sa vie. Voilà, c'est ça. Voilà, disons que c'est plutôt après 68 que ça, l'image de Lévi-Strauss s'est un peu droitisée, si vous voulez. En réalité, il a des positions sur certaines questions, par exemple éthiques, qui sont parfois, il peut être considéré comme à l'extrême gauche, parfois comme une sorte de conservateur bontain. Donc bon, mais en tout cas, oui, il a été un jeune socialiste. Il était assez proche hein, de même Léon Blum, tout ça. Il connaissait bien la SFIO des années 30. Ouais, toujours assez insaisissable. Et puis côté études, double cursus en droit et on l'a dit en philosophie. Il passe l'agrégation de philosophie. Tout à fait. Mais finalement, l'idée de devenir prof de philosophie ne le réjouit pas vraiment, comme il l'expliquera bien plus tard, en 1984, à Bernard Pivot. Le sentiment, enfin, que j'allais passer ma vie à répéter un cours, non, c'était pas possible, surtout qu'en même temps, j'avais un très grand goût de l'aventure sous des formes très modestes, mais enfin, dès l'enfance, j'essayais de transformer, disons, le paysage français, rural ou urbain, en terrain d'aventure. Et comment ? Comment avec mes camarades, quand nous étions au lycée, on se disait, on va partir de tel endroit de Paris, puis on va marcher tout droit en direction de la banlieue. On ira exactement aussi loin, mais sans jamais infléchir notre direction à droite ou à gauche, que nos jambes pourront nous porter. Alors ça nous emmenait dans des aventures extraordinaires. Vous faisiez du camping alors ? Oui, nous avons fait également du camping. Nous sommes partis des faubourgs de Rouen, nous avons marché toute la journée, nous avons dormi dans les conditions les plus inconfortables. Le lendemain matin, nous sommes aperçus que nous étions à 4 km de Rouen parce que nous avions suivi une boucle de la Seine qui nous avait ramenés à notre point de départ et ça a été la fin des expériences. Bon, mais enfin, le camping, c'était pas tellement répandu à cette époque. Oui. Donc il s'agissait pour moi de tâcher d'associer une profession qui était celle de professeur de philosophie et puis le goût de l'aventure. C'est le goût de l'aventure, ce sont ces souvenirs de jeunesse qui conduisent Claude Lévi-Strauss à bifurquer et à ne pas épouser la carrière de professeur de philosophie, Emmanuel Loyer. Oui, je crois que comme il le raconte, il avait une terreur de l'ennui, disons, professoral, c'est-à-dire répéter ses cours, des cours de philosophie. Donc, il a saisi l'occasion qui s'est offerte à lui de, en effet, effectuer une sorte de dégagement qu'il n'était pas tout à fait le premier à faire, mais qui lui permettait, en effet, de réconcilier la visée théorique d'interrogations profondes et philosophiques et, en même temps, ce qu'il appelle l'aventure, les expéditions et le rapport à la nature aussi, je crois. Alors, le tournant, c'est un coup de téléphone reçu à l'automne 1934. Le directeur de l'ENS l'appel, avez-vous toujours le désir de faire de l'ethnographie? Et là, il a peu de temps pour se décider. Oui, quasiment une matinée. Ouais. Mais en fait, il était déjà décidé, certainement. Que va lui proposer alors le directeur de l'ENS exactement? Il lui propose de participer à une aventure qui a déjà commencé l'année précédente, en 1934, qui est la fondation de l'Université de São Paulo, où des savants français sont invités à enseigner là-bas. Et il appâte Lévi-Strauss en lui disant que, puisqu'il a envie d'étudier l'ethnologie, il trouvera sûrement quelques Indiens dans les faubourgs de São Paulo. C'est un poste de professeur de sociologie qu'il lui propose à São Paulo. Oui. Si vous voulez, à l'époque et jusque dans les années 60, sociologie et ethnologie n'étaient pas forcément complètement séparés. Et il faut bien voir aussi que c'était pas une discipline universitaire. C'était pas l'histoire, c'est pas la philosophie, c'était une discipline encore jeune et qui donc était encore assez souple, si vous voulez, dans ses recrutements, dans la répartition des tâches, etc. Donc, non, ce qui est amusant, si vous voulez, c'est quand Georges Dumas lui dit « Vous trouverez quelques Indiens dans les faubourgs San Paolo ». On est là en 1934, il y avait déjà plus du tout d'Indiens dans les faubourgs de San Paolo. Mmh. Et ça, il va rapidement s'en apercevoir en y arrivant. Mais il ira les chercher plus loin, ces Indiens. Alors, il part avec sa femme, Dina, le 4 février 1935. Il va rester 4 ans au Brésil. C'est la première fois que Claude Lévi-Strauss quitte la France ? Oui. C'est la première fois qu'il quitte vraiment la France, en tout cas. Une traversée qui va durer 19 jours. Voilà, à peu près 3 semaines. Ouais. À bord c'est un cargo, un demi-cargo. Donc, c'était un bateau qui faisait des arrêts dans différents ports pour aussi prendre du fret. Ouais. Et surtout, ce qu'il a adoré, et qui peut nous faire rêver aujourd'hui, c'est qu'ils étaient très peu sur ce bateau. Ouais. Ils étaient quelques-uns. Il y avait quelques cabines, donc il avait le bateau à lui tout seul, et la première traversée transatlantique est une sorte de bonheur total, où il est quasiment en béatitude pendant 20 jours, il observe le ciel, la mer, il hume, il renifle et certainement il doit rêver déjà son voyage. Ouais. Et au bout de ce voyage, le Brésil, Claude Lévi-Strauss ne le sait pas encore, mais ce voyage va transformer le reste de sa vie. Il va y vivre des expériences qui le marqueront à jamais et qui vont nourrir ses théories. Vous allez nous raconter ce voyage fondateur, Emmanuel Loyer, le temps d'un bivouac sur les pas de Claude Lévi-Strauss en cette fin d'après-midi sur France Inter. Eres la mariposa que llegó con sus colores. Me alegro mi jardín entristecido y sin flores. Eres la poesía, el canto del ruiseñor. Como aquel sueño loco, eres mi primer amor. Cuando siento tus caricias y tu forma de besar, aunque esté dormida vida, no quisiera despertar. ¿Hasta cuándo este amor logrará acompañarme? No sé si estoy delirando, no quisiera equivocarme. La mariposa que llegó con sus colores y alegro mi jardín entristecido y sin flores. Eres la poesía, el canto del ruiseñor. Como aquel sueño loco, eres mi primer. Leyani López qui chantait Como la mariposa sur France Inter. Le Brésil s'esquissait dans mon imagination comme des gerbes de palmiers contournés, dissimulant des architectures bizarres, le tout baigné dans une odeur, un parfum brûlé. Alors que le bateau pénètre lentement entre les îles, j'éprouve ici le premier choc des tropiques. Un chenal verdoyant nous enferme. En tendant la main, on pourrait presque saisir ces plantes. Extrait de Triste Tropique de Claude Lévi-Strauss. Il découvre les côtes du Brésil avec envie, avec presque gourmandise, j'ai envie de dire, Emmanuel Loyer. Absolument, avec tous ses sens en éveil et notamment l'odorat, hein, le parfum, ouais. Le Brésil. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très notable dans Triste Tropique. Il exalte vraiment ce sentiment d'aborder une terre qui respire un parfum différent, ouais. Et puis une échelle différente. C'est le nouveau monde, il va vers le tout nouveau monde. Tout à fait, monde. Et il faut dire aussi que pour bien que nos éditeurs comprennent, c'est que ils fantasment aussi finalement la rencontre du XVIe siècle. C'est-à-dire le moment où finalement où les premiers Européens, bon Christophe Colomb et d'autres, découvrent le Nouveau Monde et notamment un autre voyageur que peut-être dont peut-être vous avez déjà parlé, Jean de Léry, qui est finalement une sorte de guide, ouais. Également dans ce voyage. Il a son ouvrage avec lui, c'est le seul livre qu'il emporte. Il l'a en poche et donc c'est toujours comme ça dans le voyage. Finalement, c'est un voyage dans l'espace, mais pour lui, c'est aussi un voyage dans le temps. Ouais. Alors à quoi ressemble la ville de Sao Paulo quand Lévi-Strauss y pose le pied? Faites-nous aussi voyager dans le temps, on est à la fin des années 30, hein, 1930. On est en 35 ouais. Quand il arrive. Bah, c'est une ville à l'américaine telle qu'il la découvre, c'est-à-dire à la fois avec des contrastes très forts, parce que c'est par exemple à São Paulo qu'il voit son premier gratte-ciel, ouais. Ce qui est typique de l'architecture urbaine américaine. Il le découvre à São Paulo dans un contraste et un entrechoquement, si vous voulez, des temporalités. Ouais. C'est à la fois la modernité et en même temps la vie traditionnelle, donc il y a à la fois le gratte-ciel et à la fois les bœufs dans la rue, etc. Et puis l'autre chose qui le frappe beaucoup à São Paulo, c'est la vitesse d'accroissement de la ville. Il dit qu'il y avait chaque jour une nouvelle rue. Donc ça, c'est tout à fait le sentiment, si vous voulez, d'une nouvelle échelle américaine. Là, vraiment, il n'est plus en Europe. Ouais. Alors, il donne, dans un premier temps, des cours, comme prévu, à l'université de São Paulo. Donc, il enseigne la sociologie, l'ethnologie aussi. Il dira, en faisant ses cours, il apprend. Il apprend aussi ce que c'est que l'ethnologie en enseignant cette discipline. Et puis, après quelques mois, après son arrivée, là, on est en novembre 1935, il part. Il prend sur ses congés pour partir enfin à la rencontre d'Indiens qui ne se trouvent pas, comme on lui avait dit, dans les faubourgs. Il faut aller un peu plus loin. Où est-ce qu'il va aller les chercher, ces premières tribus indiennes qu'il va rencontrer? La première expédition, en effet, de 35-36, il va aller voir deux tribus assez différentes et pas tout à fait au même endroit. Les premiers, ce sont les Kaduveo, mmh. Et les seconds, les Bororo. Il raconte ça dans Tresse Tropique. Ils sont, si vous voulez, en bordure de ce qu'on appelle le Mato Grosso, c'est-à-dire ce grand plateau qui commence déjà à São Paulo et qui s'incline vers l'ouest, qui est une sorte de, on appelle ça en brésilien le Sertao, c'est-à-dire la partie sauvage. C'est un grand plateau aride qui est couvert de broussailles et qui est entaillé par des cours d'eau assez profonds qui sont reliés, si vous voulez, au bassin hydraulique de l'Amazone. Mmh. On est à plusieurs centaines de kilomètres à l'ouest de São Paulo. Donc il va d'abord chez les Kaduveo, mmh. Qui habitent dans un paysage très beau. Ils sont dans ce qu'on appelle le Pantanal, un des plus grands marais du monde, où vivent beaucoup d'oiseaux. Et donc les Kaduveo vivent là. Ce sont des Indiens qui vivent assez pauvrement. Ouais, il est frappé hein, par la pauvreté des oui. Indiens. Ils disent comme des paysans pauvres. Voilà. Il est un peu surpris de ça. Il est surpris et déçu d'une certaine manière, ouais. Parce que c'est un peu pitoyable. Ouais. Mais par contre, très vite, il est séduit par la richesse de leur production matérielle. Ouais. Et le contraste entre la pauvreté, si vous voulez, de leur habitat et en même temps la beauté de ce qu'ils font. Ce qu'ils font, c'est des très très belles poteries, de la vannerie, qui est un art qui a toujours sidéré Lévi-Strauss. C'est d'ailleurs le dernier article qu'il écrira sera sur l'art de la vannerie. Et surtout, ce pourquoi les Kaduveo sont célèbres dans la littérature ethnologique, c'est ces fameuses peintures corporelles et ces arabesques qui sont, si vous voulez, comme un peu des grilles baroques, pour ceux qui ne connaissent pas, comme de la forgerie d'églises baroques, qui sont caractérisées par des dessins abstraits, pas tout à fait symétriques, hein, d'une sorte d'abstraction asymétrique. Et qui constitueront toujours une énigme pour Lévi-Strauss, sur lesquelles il reviendra. En tout cas, surtout, il est très frappé par la sûreté du trait, que les femmes, ce sont les femmes qui peignent, et qui peignent donc sur les corps humains. Ouais. Et sur le visage, sur le notamment. Visage. Alors, il va leur demander de reproduire ses dessins sur des feuilles de papier. Vraiment, il veut comprendre, il est vraiment fasciné par ses dessins corporels. Vous avez une très belle formule dans votre livre, Emmanuel Loyaux, vous parlez d'un donquichotisme propre à Lévi-Strauss, qui lui fait chercher les ors du passé sous la boue du présent. Il y a cette idée d'aller un peu à la quête des origines, d'aller voir ce qu'étaient ces sociétés avant qu'elles rencontrent l'Occident et qu'elles ne soient un peu malmenées par nos civilisations à nous. Tout à fait. Une des grandes idées qu'il a à ce moment-là, qui n'est pas encore le structuralisme en tant que tel, c'est pas du tout même, mais c'est l'idée que les résidus d'humanité qu'il voit, parce qu'ils sont dans un état... Enfin, les Bororos, c'est un peu différent. Ouais. C'est aussi des restes, des vestiges de sociétés qui ont été sans doute beaucoup plus puissantes et beaucoup plus prospères autrefois. Et les Kadouvéo vont conduire Lévi-Strauss à s'interroger sur la situation de ces Indiens et au regard que portent les Occidentaux sur eux. En dépouillant de sa poésie l'image naïve que l'ethnographe débutant forme de ses expériences futures, les Indiens Kadouvéo me donnaient une leçon de prudence et d'objectivité. En les trouvant moins intacts que je l'espérais, j'allais les découvrir plus secrets que leur apparence n'aurait pu le faire croire. Ils illustraient pleinement cette situation sociologique qui tend à devenir exclusive pour l'observateur de la seconde moitié du XXe siècle, de primitif, à qui la civilisation fut brutalement imposée et dont, une fois surmonté le péril qu'ils étaient censés représenter, on s'est ensuite désintéressé. C'est au cœur des préoccupations de Lévi-Strauss, cette interaction entre les civilisations. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il a à la fois il nourrit le fantasme de, comme tout ethnologue, je pense, de rencontrer les indigènes, comme on disait, ou la tribu qui n'aura pas été visitée par l'homme blanc. Et en même temps, il sait que c'est une impasse parce que il faut bien comprendre que ces différentes tribus, notamment les Kadouvéo et les Bororo, ce n'étaient pas des tribus qu'on découvrait. C'était des tribus qui avaient déjà accueilli leurs ethnologues avec beaucoup de guillemets, ça peut être les ethnologues, ça pouvait être aussi par exemple des frères salésiens, des ordres missionnaires, etc. Autrement dit, pour qu'il y ait un travail ethnologique, il faut qu'il y ait un truchement, comme on disait, c'est-à-dire un traducteur, ne serait-ce qu'un traducteur au sens propre du terme. Ouais. Et donc, vous voyez, on est un peu dans, c'est un peu la quadrature du cercle. Ouais. Et c'est ce qu'il va vivre d'ailleurs un peu plus tard dans son périple. Mais il n'empêche que, fantasmatiquement, il a en effet cette idée de quête de l'élémentaire, de l'originel, et de tendresse aussi pour cet élémentaire. C'est aussi pour lui la façon peut-être de mieux comprendre les phénomènes sociaux. Nos sociétés sont trop complexes pour comprendre quoi que ce soit. Il a l'intuition, disons, épistémologique quasiment, qu'il faut regarder des formes plus simples pour comprendre comment ça s'agence. Alors ensuite, il va aller rencontrer les Bororo qui exerceront sur lui, là encore, une fascination et qui lui laisseront un souvenir impérissable. Nous étions arrivé en camion par une très mauvaise piste jusqu'à un endroit où on nous avait dit qu'on trouverait un petit village, c'est-à-dire quelques huttes de paille. Et nous avons aperçu de formes trois assez rouges. C'était les premiers Bororo que nous voyons. Parés de colliers de dents d'animaux sauvages, enfin les crocs de jaguar d'une blancheur éclatante, qui chantent, dansent, pendant des heures. Alors, ça, en soi-même, c'est enivrant. On était, quelque sorte, envahis, submergés par la richesse et la fantaisie d'une culture probablement exceptionnelle. Enivrant, on sent vraiment qu'il vit avec émotion ces rencontres, Claude Lévi-Strauss. À ce stade, il emmagasine, il engrange des données, des informations, des observations. Il n'est pas encore dans la théorie qui le fera connaître, le structuralisme, et qui viendra après, Emmanuel Loyer. Tout à fait, c'est-à-dire que là, il est vraiment un disciple de l'ethnologie française, de Marcel Mauss, et il fait son terrain, en effet, en engrangeant, comme vous dites, à la fois des faits, alors des rituels, ces carnets sont pleins de aussi évidemment de notes sur le vocabulaire, sur la description. Il était musicien aussi, oui. Lévi-Strauss. Et donc parce que les Bororo, surtout, ce qui est enivrant, c'est que toutes les nuits où il est resté avec eux, c'est-à-dire presque trois semaines, toutes les nuits sont consacrées à des chants, beaucoup des chants funèbres, et il va noter la musique puisqu'il avait vraiment l'oreille. Ouais. Et donc il fait ça, et puis aussi il collecte des objets. Et les objets pour les Bororos, c'est aussi très enivrant et c'est aussi une véritable délectation parce que c'est des artistes des plumes, les Bororos. Ils ont un art plumacier tout à fait exceptionnel. Donc d'un côté, les Kadouvéo, il y a des belles poteries, des vanneries et puis ces dessins. De l'autre, ça va être les parures de plumes et la musique. C'est vrai que les Bororos, on sent là, il y a quelque chose, c'est presque c'est un rêve d'ethnologue, quoi. C'est vraiment le bon sauvage, leur corps, ils sont beaux aussi physiquement, ils sont grands, et leur peau est recouverte en effet d'un d'ouroukou, ils sont rouges, c'est un peu le bon sauvage du XVIIIe siècle. Alors, en fait, il a cette démarche, on a l'impression qu'il cherche à reconstituer un puzzle, comme si chacune de ces tribus détenait une part de la vérité, et qu'on allait remonter aux origines, aux points communs, à la civilisation de départ à laquelle elles appartiennent toutes. Donc il veut rencontrer d'autres civilisations, toujours plus lointaines, toujours plus isolées. Et donc après les Bororos, il va tenter d'aller à la rencontre des Nambikwara. Mais là, il se rend compte, en se renseignant autour de lui, qu'ils ont une mauvaise réputation, on les dit dangereux. Même anthropophages. Oui, les Nambikwara avaient en effet mauvaise réputation. Ils avaient, quelques années avant, assassiné je ne sais quel missionnaire. Donc c'est vrai qu'il faut aussi comprendre que faire son terrain ethnologique, c'est risqué. C'est très risqué même, aussi bien sur le plan, je dirais, de son intégrité physique. Là, on arrive vraiment de... Alors, les Nambikwara, géographiquement, on est beaucoup plus loin déjà de la civilisation paoliste, de la ville... Ouais. Et on est au fin fond vraiment du Sertão brésilien, avec une tribu qui, cette fois-ci, n'a pas les séductions, disons, des Bororos et des Kadouvéo, ni sur le plan, je dirais, des rituels, ni sur le plan esthétique, ni matériel. Alors, comme les premières expéditions avec sa femme, Dina Lévi-Strauss, qui est quand même pour ce nouveau voyage, qui a lieu un peu plus tard, entre 37 et 38, elle est inquiète. Elle écrira « L'aventure semble de plus en plus risquée. Nos Nambikwara ont décidément la plus mauvaise réputation qu'ils soient. Féroce, histoire de massacre affreux. Je ne suis pas disposée à mourir et je désire revenir de cette aventure. Sinon, elle ne serait plus une aventure. » Ça, c'est ce qu'elle écrit avant de partir. Alors comment va se passer la rencontre avec les Nambikwara? C'est ce que vous allez nous raconter dans un instant, Emmanuel Loyer. Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain. In skies of gray, hello sunshine, won't you stay? You know I always liked my walking shoes, but you can get a little too fond of the blue. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? You know I always loved a lonely time. Those empty streets, no one lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay? Bruce Springsteen, Hello Sunshine sur France Inter. Pouvez-vous me dire le nom de cet homme sur cette photo? C'est Massimo Levi. Celui qui a vécu parmi nous. Il était très bon avec nous. Cet homme, qu'est-ce qui l'intéressait? Il était intéressé par les produits que nous cultivions, mais aussi par nos armes et notre vannerie. Donc vous avez connu cet homme? Nous l'avons vu à Utiarity. On m'a dit qu'il est encore vivant. Un Indien, Nambikwara, se souvenant du passage d'un certain Massimo Levi dans son village quand il était petit. Ce Massimo Levi, c'est bien Claude Lévi-Strauss, Emmanuel Loyer? Tout à fait. Pourquoi ce nom, Massimo Levi? Pourquoi l'ont-ils rebaptisé ainsi? Souvent, il était nommé professeur Levi. Par exemple, le Castro Faria, qui est un autre ethnologue qui voyage avec lui, il l'appelle professeur Levi. Donc ensuite, maître Levi, je suppose que voilà. c'est comme ça. Alors, comment se passe la rencontre? On l'a dit, hein, ces Nambikwara avaient une réputation sulfureuse, d'Indiens dangereux. Apparemment, la rencontre s'est bien passée, puisque longtemps après, on en parle avec des bons souvenirs. Comment s'est passée la rencontre? Du côté de Lévi-Strauss, il a vraiment le sentiment d'être à la racine, disons, le roc, justement, cette fameuse origine de l'humanité, parce que les Nambikwara, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des Indiens très mal connus. Pauvres, par exemple, ils dorment à même le sol, recouverts de cendres, vous voyez. Donc on est loin des Kaduveo qui ont l'air de paysans pauvres brésiliens, mais tout de même, et des Bororo qui sont les bons sauvages du XVIIIe siècle, des gaillards qui dansent toute la nuit. Donc il se passe quelque chose de, à la fois, il est très inquiet parce qu'il a peur de ne pas avoir grand-chose à rapporter, ouais. Ni objet, ni beaucoup de remarques, parce qu'il a, dans un premier temps aussi, un problème de traduction. Donc, on sent cette angoisse de Lévi-Strauss dans, à la fois, les carnets de terrain, ouais. Qu'il a écrit à l'époque, et puis Triste Tropique, qui est écrit 15 ans plus tard. Oui. Donc, certainement, le terrain, pour lui, là, ça a été très difficile, mais, et c'est peut-être ça qu'il faut dire sur les Nambikwara, finalement, il reste quelques semaines avec eux. Il est finalement, là aussi, très attiré et bouleversé par ce dénuement même et par la folle insouciance de ces Indiens, leur gentillesse, leur tendresse. Et il y a là, il le dit dans Triste Tropique, avec un texte merveilleux. Les enfants paraissent pendant une grande partie du jour. Les fillettes se livrant par moments aux mêmes besognes que leurs aînés. Les garçonnets oisifs ou pêchant au bord des cours d'eau. En outre, les jeunes femmes aiment la société des enfants et des adolescents, jouent et plaisantent avec eux. Et ce sont les femmes qui prennent soin des animaux, de cette façon humaine propre à certains Indiens sud-américains. En voyage, et sauf les animaux capables de marcher, toute la ménagerie est embarquée avec les autres bagages. Les singes, cramponnés à la chevelure des femmes, les coiffes d'un gracieux casque vivant, prolongé par la queue enroulée autour du cou de la porteuse. L'attitude Nambikwara envers les choses de l'amour peut se résumer dans leur formule « faire l'amour, c'est bon ». Au cours des jeux amoureux auxquels les couples se livrent si volontiers et si publiquement, et qui sont souvent audacieux, je n'ai jamais noté un début d'érection. Le plaisir recherché paraît moins d'ordre physique que ludique et sentimental. Une atmosphère érotique imprègne la vie quotidienne. Les affaires amoureuses retiennent au plus haut point l'intérêt et la curiosité indigène. Il y a un peu quand même dans ces lignes du mythe du bon sauvage, non, Emmanuel Loyer? Oui, ou plutôt d'un Éden. Ouais. C'est vrai que c'est frappant, surtout par les liens, je dirais, intergénérationnels, les enfants, les jeunes femmes, les anciens, et puis aussi la relation avec les animaux, qui, comme ouais. Je vous le disais au début, participent pour Lévi-Strauss du bonheur de vivre. Mmh. Et là, il y a des créatures, ces femmes qui sont surmontées d'un petit singe qui leur fait un casque très, très séduisant. D'ailleurs, il y a des photos, on voit ça. Finalement, c'est une façon de vivre qui transgresse une des clés de l'humanisme, disons, occidental, à savoir la séparation du règne humain et du règne animal. Mmh. Par ailleurs, vous voyez que c'est, il est aussi, il fait quand même son terrain en notant, cette fois-ci pas les rituels, tout ça, mais disons l'atmosphère, ouais. Les rapports entre les hommes et les femmes, les choses de l'amour. Et il est très, on sent qu'il est très touché par ce souci aussi des choses de l'amour, cette importance dans une société où il ne dispose d'aucune richesse matérielle, mais il y a ça. Et il note beaucoup aussi, il a raison, en bon ethnologue, la différence des, par exemple, des normes de la pudeur, ouais. Sans mais jamais s'en offusquer. Ça va l'interroger aussi, cette atmosphère érotique parfois qui règne. Il s'interroge sur jusqu'où oui. Lui, l'ethnologue, peut aller avec oui. Les jeunes femmes qui parfois lui font des avances. Oui, oui, tout à fait, parce que ça, il le raconte dans Triste Tropique et c'est tout à fait intéressant de noter que Lévi-Strauss avait, enfin, il avait sa pudeur, mais il regarde ça bien en face. C'est vrai qu'il note qu'il y a des jeunes femmes se lui sautaient dessus un peu tout, à chaque fois qu'il se baignait et notamment était très intéressé par son savon. Donc, on peut dire que son corps est maltraité, une maltraitance très, très agréable, manifestement. Mais c'est vrai que, et finalement, il s'est un peu posé la question, qui est un ouais. peu une question taboue en ethnologie, c'est notamment la question des rapports sexuels ouais. avec les femmes sur le terrain. Il faut aussi rappeler à ce moment-là que Dina, sa femme, n'est plus avec lui parce qu'elle a eu une infection de l'œil oui. et du coup elle a dû être assez rapidement rapatriée. Donc il est seul. Oui, peut-être que les choses auraient été différentes si Dina était restée, c'est vrai. Alors, malgré tout cela, ces expéditions sont quand même très éprouvantes pour lui. Là, il ne faudrait pas donner l'impression que c'est, comme vous le disiez, un Éden ou un paradis. Il parlera des plus belles années de sa vie, mais aussi de moments de dépression intense lors de cette expédition. Oui, je crois que le terrain est une épreuve, au sens strict du terme. C'est-à-dire qu'on s'y éprouve. On s'y transforme aussi, on en sort radicalement transformé. Et ça veut dire que ce sont des joies, des découvertes et puis des souffrances physiques et morales. Et une des souffrances morales, c'est d'une part l'ennui qui parfois... Et il faut dire que Lévi-Strauss était tout à fait un être assez impatient et tout à fait démuni face à l'ennui. Parce que, évidemment, dans une expédition pareille, il y a toujours des difficultés, des contretemps terribles, etc. Et puis aussi la dépression qui le renvoie finalement à lui-même. Il se pose des questions sur ce qu'il est venu chercher ici. Il se demande ce qu'il fait là. Il pense à ses collègues qui sont restés à Paris, qui mènent une carrière peut-être plus grandiose que la sienne. Mais ça, on trouve ça dans tous les journaux d'ethnologues sur le terrain. C'est-à-dire, à un moment donné, je pense que c'est une donnée structurelle des qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je fous là, même, on pourrait dire. Alors, même si... Si avec les Nambikwara, les relations sont pacifiques et apaisées, il se rend compte quand même que les choses peuvent parfois dérafer pour des incompréhensions culturelles. C'est le cas lorsqu'il entreprend de faire une démonstration des ballons colorés qui s'envolent dans le ciel. Il voulait les impressionner. J'avais emporté dans mes bagages quelques-uns de ces grands ballons multicolores en papier de soie qu'on emplit d'air chaud en suspendant à leur base une petite torche et qu'on lance par centaines au Brésil à l'occasion de la fête de la Saint-Jean. L'idée malencontreuse me vint un soir d'en offrir un spectacle aux indigènes. Un premier ballon qui prit feu au sol suscita une vive hilarité, comme si le public avait eu la moindre notion de ce qui aurait dû se produire. Au contraire, le second réussit trop bien. Il s'éleva rapidement, monta si haut que sa flamme se confondit avec des étoiles, erra longtemps au-dessus de nous et disparut. Mais la gaieté du début avait fait place à d'autres sentiments. Les hommes regardaient avec attention et hostilité, et les femmes, tête enfouie entre les bras et blotties l'une contre l'autre, étaient terrifiées. C'est presque un incident diplomatique. Tout d'un coup, on se demande s'il ne fait pas acte de sorcellerie avec ses ballons qui montent jusqu'au ciel. Une délégation viendra jusqu'à sa tente pour qu'il s'en explique. Absolument, parce qu'il a transgressé, il s'en rend compte, mais un peu tard, disons, la cosmogonie indienne, et elles sont terrifiées parce que les étoiles n'ont pas à être comme ça atteintes par un corps étranger. Et donc, c'est vrai que c'est une bonne anecdote pour montrer à quel point ça n'est jamais gagné, et le terrain peut vite se révéler un lieu dangereux. Ça, il le dit à plusieurs reprises, et là, il l'expérimente. Alors, fort de toutes ces expériences, il rentre du Brésil en 1939, en France. Et là, la guerre et les nazis vont le contraindre à l'exil. Il accepte une invitation d'une école pour la recherche en sciences sociales de New York. Il est en danger en France du fait de sa judaïté, et donc il prend la voie de l'exil. Là, c'est un voyage contraint, forcé. Le départ en bateau est beaucoup moins romantique que celui dont on a parlé pour le Brésil quelques années auparavant. Oui, et d'ailleurs, dans Triste Tropique, il fait la triste comparaison de ces deux traversées transatlantiques qui lui semblent finalement faire symptôme du nouveau monde dans lequel il est, c'est-à-dire il quitte lui et ses comparses, c'est-à-dire ou bien des intellectuels juifs, ou bien des intellectuels socialistes, ou tous ceux qui désormais la canaille, d'après Vichy, et pas seulement les Français, aussi des Allemands, enfin toute l'Europe est sous tutelle nazie. Et donc ces quelques bateaux, il y a celui-là, le capitaine Paul Lemaire, mais il y en a d'autres, quittent une Europe qui est désormais à feu et à sang. Mmh. Alors, lors de ses années new-yorkaises, il est de nouveau célibataire, il s'est séparé de sa première femme, Dina. On a l'impression que ce sont des années riches sur différents plans. À la fois, il mène une vie de bohème, il s'amuse, il a ses amis, ses rencontres également. Et puis, il se met à réfléchir. Finalement, après la pratique, il se met à la théorie, il va lire énormément de livres ethnologiques. Et c'est là que commence à se former sa théorie. Disons que à New York, sur le plan de l'ethnologie, il ne va pas faire de nouveaux terrains, mais il va se rendre compte que la New York Public Library possède, dans une salle particulière des Americana, une énorme littérature de voyages, ou bien écrite par des explorateurs, ou beaucoup aussi par les ordres de missionnaires, et puis aussi par toute l'ethnologie. Disons les générations qui l'ont précédé, d'une très riche ethnologie américaine. C'est finalement cette rencontre de le terrain sur l'Amérique latine et sur le Brésil et cette riche bibliothèque qui va produire, si vous voulez, le déclic, cette triangulation de ses intérêts et de ses voyages, Europe, Amérique du Sud, Amérique du Nord. C'est aussi pour Lévi-Strauss instituer sur le plan intellectuel une nouvelle façon de comparer. Et finalement, le structuralisme, on peut dire que c'est ça. Ça n'est pas rechercher l'universalité, tout ce qu'on trouve partout dans l'humanité. C'est plutôt comment l'humanité répond à des questions fondamentales en variant constamment les réponses. Donc ce qui l'intéresse, contrairement à ce qu'on dit d'habitude, c'est pas l'unité ou l'unicité, c'est au contraire la variété. Il n'y a pas cette notion d'invariant, finalement. C'est une erreur quand on pense. En fait, oui, c'est pas l'invariant, c'est plutôt la variété. Ça n'est pas l'unicité ou l'unicité. On va avoir le temps de revenir sur la pensée, ce qu'il faut retenir finalement de ce qu'a apporté Claude Lévi-Strauss à la réflexion et aux théories en ethnologie. Vous écoutez Le Temps d'un Bivouac sur France Inter en compagnie d'Emmanuel Loyer. Yeah. C'était The Liminanas de Dreams sur France Inter. La programmation musicale du temps d'un bivouac est signée Thierry Dupin. Qu'est-ce que l'ethnologie ? À quoi servent les ethnologues et au fond, à quoi a servi et à quoi sert Claude Lévi-Strauss ? Oui, la dernière, je me chargerai de répondre. Mais à quoi sert l'ethnologie en général ? Et vous savez, c'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme. On peut essayer d'élargir la connaissance de l'homme pour y inclure même les sociétés les plus lointaines et qui nous paraissent les plus humbles et les plus misérables, de manière à ce que rien d'humain ne nous reste étranger. Claude Lévi-Strauss répondant à Bernard Pivot dans Apostrophe en 1984. Emmanuel Loyer, c'est ce qui est au centre des réflexions de Claude Lévi-Strauss. Qu'est-ce qui fait l'humanité ? Et vous me disiez, c'est pas tant les points communs qu'il cherche à relier ? Oui, il donne là le programme de l'anthropologie, hein, ouais. C'est le terme qu'il va employer plutôt même qu'ethnologie, qui est en effet de comprendre l'homme. Toutes les sociétés rencontrent un certain nombre de questions. Comment choisir son conjoint ? Comment faire société ? Comment faire alliance ? Et Lévi-Strauss, dans son travail, a constamment insisté sur la très grande diversité des réponses données par les sociétés. Et si vous voulez, son apport, pas seulement de Lévi-Strauss, mais de l'anthropologie, c'est aussi de nier la hiérarchisation possible de ces sociétés en fonction des réponses qu'elles donnent. Certaines sociétés, il le montre, vont être riches dans tel ou tel apport, telle ou telle façon, par exemple, d'intégrer ou pas les jeunes. Une autre société sera, au contraire, comme la nôtre, très avancée dans le domaine technique. Mais personne n'a la clé, si vous voulez, pour véritablement juger de la valeur de telle ou telle société. Alors après le Brésil et New York, Claude Lévi-Strauss rentre en France. Est-ce qu'il va continuer à voyager dans la suite de sa vie ? Pas tant que ça du tout. Il rentre en France en 1947 et on peut dire que jusqu'à sa mort en 2009, ouais, il n'a plus été qu'un voyageur très épisodique. D'abord parce qu'il travaille. Il travaille, il écrit, mais ensuite il est engagé dans un chemin, disons, universitaire, professionnel, avec notamment dans les années 60 la rédaction des Mythologiques. Donc, pas le temps de voyager, plus l'envie non plus, oui, je crois. Et les deux, finalement, les deux lieux où il voyage, où ça a été important pour lui, c'est une fois qu'il a terminé d'ailleurs d'écrire les Mythologiques dans les années 70-80, c'est d'une part la Colombie-Britannique, hein, au Canada, et d'autre part, le Japon, où il va 6 fois, et qui est là une sorte de retour à son enfance japonisante, amatrice en tout cas de japonaiserie. Donc à part ça, il reste chez lui, il reste en France, et il cultive et il assume son côté casanier. Oui, il ne veut pas participer en fait à la fièvre de voyage qui transforme finalement le monde de la deuxième moitié du XXe siècle. Ouais, il s'est beaucoup interrogé hein, sur la mondialisation, sur les évolutions de la civilisation occidentale et son rapport aux autres civilisations. Je ne suis pas du tout de ceux enfin, qui méprisent la civilisation occidentale, la civilisation industrielle. Je ne pense pas qu'entre le souci écologique et le progrès de la science et de la technique, il y ait une contradiction. Seulement le fait est que c'est un monstre qui se dévore lui-même et que plus on va acquérir l'expérience directe de l'exotisme, plus rapidement on le détruit. Prenez votre plaisir comme vous l'entendez et soyez en même temps conscient que en le prenant, vous détruisez totalement l'objet de ce plaisir, mais c'est la loi du monde, c'est la loi du siècle. Il semble porter un regard assez coupable sur ses voyages, finalement. Lui-même souhaitait s'approcher de tribus vierges, de tout contact avec notre civilisation, mais en le faisant, il détruisait ce... Oui, c'est vrai, mais enfin, c'était quelqu'un de très scrupuleux, donc certainement il s'incluait dans... Enfin, c'est pas pareil de voyager au Club Med et de faire l'expédition dans le Mato Grosso, parce que lui, il a payé de sa personne. Mm-hmm. Quand il dit « prenez votre plaisir », il a pas tellement pris son plaisir. Ouais, non, je pense qu'il vise quand même beaucoup ce qu'on va appeler, ce qu'on va commencer. Le Club Med date de 1950, hein. C'est déjà très ancien. Ce qu'on appelle le tourisme de masse... et qui aujourd'hui, évidemment, a donné sa pleine mesure. Il développe un message assez pessimiste, hein, et très actuel sur la finitude des ressources. J'imagine enfin que l'humanité n'est pas entièrement différente de ces vers de farine qui se développent à l'intérieur d'un sac et qui commencent à s'empoisonner par leurs propres toxines bien avant que la nourriture ou même l'espace physique ne leur manque. Et nous sommes enfin habitués par toutes nos traditions intellectuelles à une échelle de rapport entre l'humanité et la planète qui est en train de se transformer de manière radicale, et je ne suis pas du tout persuadé que nous soyons moralement, psychologiquement, peut-être même physiquement équipés pour y résister. Oui, une vision pessimiste, puis cette image terrible, hein, l'humanité comme des vers de farine dans le sac. Oui, c'est déjà présent dans Triste Tropique. Finalement, là, il annonce l'anthropocène. Avec cette image très violente, vous avez raison, c'est aussi la violence, je crois, qu'il a en lui devant l'angoisse, qui est une angoisse qui se formule souvent dans des termes démographiques pour Lévi-Strauss aussi, hein, et qui est finalement aussi une des quêtes de son entreprise intellectuelle, c'est le comprendre l'humain, c'est aussi comprendre comment les sociétés ont institué des justes distances entre les hommes et les femmes d'ailleurs, entre les hommes entre eux et entre l'homme et la nature. Et Lévi-Strauss a plusieurs fois invoqué finalement la leçon de sagesse des sociétés anciennes et des sociétés exotiques qui pourraient nous inspirer, il ne s'agit évidemment pas, les sociétés ne sont pas comparables, mais qui pourraient nous inspirer des réflexions pour aujourd'hui. Claude Lévi-Strauss s'éteint en 2009 à presque 101 ans, il a traversé le 20e siècle. Il y a cette question que lui a posée Bernard Pivot, à laquelle il a refusé de répondre par pudeur ou modestie. À quoi a servi Claude Lévi-Strauss? Quel héritage nous a-t-il laissé, Emmanuel Loyer? D'abord une vision à la fois très scrupuleuse, très enivrante, très absolue de la quête scientifique. Et lorsqu'il dit « je ne méprise pas du tout l'Occident », un des héritages de l'Occident qu'il chérissait, c'était les arts et les sciences. Mais aussi cette inquiétude morale très profonde, et c'est vrai qu'il a assombri sans doute ces dernières années sur le futur de l'humanité. Quel livre vous conseilleriez à nos auditeurs de Claude Lévi-Strauss? Alors peut-être un autre que Triste Tropique, qu'on a largement cité et qui est le plus connu de ses ouvrages. Lequel mérite d'être lu ou redécouvert? Pour moi, celui que je trouve le plus fort, c'est La Pensée Sauvage. Mais je voudrais dire à nos auditeurs que peut-être aussi les volumes de correspondances qui ont été édités, notamment les correspondances avec ses parents, c'est une manière aussi d'entrer dans le personnage qui est tout à fait. On voit quelqu'un de tout à fait fantaisiste aussi, et c'est sur les années new-yorkaises, c'est très réussi. Et puis pour mieux connaître sa vie, il y a bien sûr votre enquête biographique sur Claude Lévi-Strauss, Emmanuel Loyer, aux éditions Flammarion, qui est absolument passionnante à découvrir. Merci à vous de nous avoir accompagnés pour ce bivouac. Merci à vous.